De Canal B, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, fidèle en poste, même pendant les vacances de Pâques. Émission diffusée sur antenne du 94 MHz, également en streaming et à partir de son blog asile35.blogspot.fr, également diffusée à partir du mixcloud.com/redman. Vous pouvez y retrouver l'intégralité des playlists et pas mal d'autres choses encore, et y poster des commentaires d'ailleurs si vous le souhaitez. On va démarrer, comme je sais que vos cœurs de yéyé sont déchirés par le dernier disque du combo britannique de Salford dans la banlieue de Manchester, le groupe Knod, et le dernier disque qu'ils viennent de faire paraître sur le label Rocket Recordings qui s'intitule Infinity Machines. Knod, qui est une formation à géométrie variable, comme on dit, avec quelques permanents quand même, comme Mr. Paddy Shine alias Druss, Chris Aslam alias Dwellings, Marlène Ribeiro, qui n'a rien à voir avec Catherine, et Niles Fish ex Terminal Cheesecake, qui était un peu le pendant britannique des Buttle Surfers dans les années 90. Gnod, qui produit depuis 2006 à peu près 2-3 choses chaque année, qu'on pourrait qualifier de néo-psyché, parfois noise, parfois drone, alors des trucs plutôt pas mal, mais c'est un peu inégal, à l'image de ce double album. Les deux tiers des titres dépassent d'ailleurs les 15 minutes. Alors ça sort ces jours-ci chez Rocket Recordings, qui a également publié très récemment les nouveaux A Colossus et le dernier Sheet and Shine. On écoute un titre un peu plus court, celui-ci de Knod, le morceau s'intitule Desire. I'm like to be able to see this guy. something can be done when it's positive. Et oui, tout va très bien à l'écoute de l'Asile de Plusieurs en ce 20 avril. Bonjour chez vous. Et donc, on a démarré avec Gnod, le combo britannique originaire de Manchester ou sa banlieue, avec un titre plutôt industriel, un peu dark, extrait de son Infinity Machines. C'est le tout nouvel album de Gnod. C'est un triple vinyle et double CD. Donc, un album un peu fleuve pour le combo expérimental britannique. Album inégal, comme je vous disais en début d'émission, mais qui s'écoute quand même plutôt assez agréablement, notamment le titre qu'on entendait Desire, et c'était enchaîné avec le grand retour de The Wild Classical Music Ensemble et l'album Taping is Clapping qui sort ces jours-ci. The Wild Classical Music Ensemble, formation belge créée en 2007 par les bons soins du batteur Damien Magnette, ex-Facteur Cheval et autres groupes un peu expérimental, notamment Zoft. qui est avec un collectif d'handicapés mentaux, Rudy Galante, Joanne Ginens, Lynn Pham, Kim Verbeck, tous multi-instrumentistes et basés dans un centre du côté de Courtrai. Donc ils sont dans un atelier d'expérimentation sonore depuis quelques années. Lysion rejoint Sébastien Feyderbe, qui est un chanteur punk rocker, une genre de fils caché de Vince Taylor ou d'Alan Vega, avec une présence scénique apparemment qui envoie du bois. J'ai vu quelques vidéos et effectivement c'est plutôt assez incroyable. Le Wild Classical Music Ensemble, qui avait fait une série de concerts déjà l'an dernier et qui devrait tourner dans les prochains mois à l'occasion de la sortie de ce taping Is Clapping, qui est publié conjointement d'ailleurs par le label de Bruxelles Humpty Dumpty Records et Born Bad, qui s'occupe de la distribution pour la France. Il y a d'ailleurs eu une version en vinyle blanc, s'il vous plaît, à l'occasion du Records Day qui se tenait, Record Store Day qui se tenait le week-end dernier. Je vous avais proposé déjà leur premier disque éponyme, qui était sorti dans la collection d'art brut du label belge Sub Rosa Music in the Margins, un disque qui nous avait bien scotché lors de sa sortie en 2009. Et je vous avais aussi signalé d'ailleurs la participation du Wild Classical Music Ensemble à la compilation du label Doki Doki, Transport en commun sur les rails, qui a été produite par David Lemoine, qui est le propre chanteur du groupe Cheveux. Donc c'est peut-être comme ça que s'est faite la connexion avec les gens du label parisien Born Bad. En tout cas, on va réécouter un extrait de ce très bon taping Is Clapping par The Wild Classical Music Ensemble, un titre nettement plus électronique qui s'intitule « Démocratie ». Thank you. Quadruplette de titres enchaînés parce qu'on est comme ça à l'asile. On a démarré avec un second extrait du Wild Classical Music Ensemble et son Taping is Clapping qui sort cette semaine chez Born Bad. Ça sortira un peu plus tard début du mois de mai sur le label belge Humpty Dumpty Records, le label de leurs compatriotes à ces musiciens qui existent sous cette forme plus ou moins puisqu'il y a eu une personne qui les a rejoints depuis 2006-2007 avec donc pas mal de manières détournées de pratiquer la musique, notamment de la trompette à l'envers pour l'un des handicapés mentaux qui se produit au sein de cette formation, ou encore de la basse de manière assez tonitruante. Il y a aussi un guitariste qui est vraiment très très bon et donc pas mal de voix et notamment le chanteur qui est assez exceptionnel, Sébastien Feyderbe, mais de même que la jeune femme aussi qui officie au sein du Wild Classical Music Ensemble. Il y a quelques vidéos, on peut donc un peu assister aux répétitions de l'atelier qu'il pratique depuis cette époque. Voilà donc pour cette formation. Ouais, je voulais aussi vous signaler, voilà, je savais bien que je voulais vous dire aussi que c'est très très varié. Il y a aussi du live à la fin, ce qui permet vraiment de se rendre compte un peu de toute l'étendue de leur talent à ce Wild Classical Music Ensemble qui était enchaîné avec le trio de musique électronique bordélique à souhait, bien connu du côté de Rennes. J'ai nommé France Sauvage qui reviennent avec un nouvel album qui s'intitule Jeux vocaux des bords de drone. Le trio entre Arnaud Breuil ou Bruil et Joanne Massé, Emmanuel Duval. Il s'agit de leur troisième ou quatrième album officiel pour cela. En dehors de quelques cassettes sorties notamment chez Tanz Process ou encore de différents CDR, musique de cauchemar, de gosses et de bricolage assez étonnant. Le titre qu'on entendait faisait d'ailleurs penser à du bricolage à la Albert Marker. C'est publié d'ailleurs d'ailleurs par 9 labels qui se sont associés, dont le fameux Gaffer Records, le label du Lyonnais Cheikh Anorak, qui joue d'ailleurs ce soir en concert à Rennes. Et donc il y a également d'autres labels tels que la République des Granges, Animal Biscuits, le label des Nantais Les Loupards PD, ainsi que Microlab, et donc 2-3 autres, tout ça distribué par Metamkin. Jeux vocaux des bords de Drône, avec un jeu de mots, la Drône étant une vraie rivière, un sous-affluent de la Dordogne, pour être très très précis, qui prend sa source dans le parc naturel régional Périgord-Limousin. Voilà pour France Sauvage, et on a terminé avec deux titres enchaînés du dernier album de Nick Mott, Here Begins the Great Destroyer, qui est sorti en CD édition limitée à 300 exemplaires sur le label Lumberton Trading Company. Il s'agit du second disque en date sous son propre nom pour cet ancien Volcano The Bear, qui officie aussi sous les différents projets Songs of Norway, Spectral Armies et autres Skeleton Birds and the Number of God. Il s'agit d'une dizaine de vignettes électroniques, de collages, d'obédience, Reynaldo and the Loaf, Nurse with Wound ou autres Andrew Lyles. Il s'agit d'un disque qui devrait apparemment faire partie d'un coffret vinyle collector pour ceux qui souhaiteraient y souscrire, et peut-être les plus chanceux d'entre vous, parce que je pense que ça doit s'arracher pas mal rapidement. La musique de Nick Mott, qui était aussi l'illustrateur des pochettes de Volcano The Bear, et qui a toujours un artwork assez fantastique sur ses disques. Et ce disque d'ailleurs, pour terminer sur Here Begins the Great Destroyer, a été masterisé par Seon Organ, qui n'est autre qu'un collaborateur des regrettés Coil, ce qui plante un peu le décor de ce nouvel album de Nick Mott. On va continuer avec une nouvelle séquence qui démarre avec le dernier album de Erin in Tahiti, qui s'intitule Sun and Violence, sorti chez Boring Machines. Alors je ne vais pas vous en parler énormément, parce qu'on a déjà beaucoup passé leur musique depuis la rentrée de l'année dernière dans l'Asie le plus sûr. Il s'agit d'un projet de Rome, Francesco de Figueiredo et Valerio Mattioli, qui pratique une musique un peu occulte, mais de l'occultisme à base d'olives et de soleil méditerranéen, entre surf, psychédélisme et violence. Double album, premier album en double pour Erin in Tahiti, la suite de l'album Death Surf qu'ils avaient sorti il y a quelques années. On écoute le titre Zatla Aitas. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ce titre mystérieux d'Héroïne in Tahiti, mais on écoute ça tout de suite. Thank you. nouvelle série de titres enchaînés dans l'asile le plus sûr, alors qu'un invité mystère nous a rejoint dans le studio. Bonsoir, invité mystère. L'invité mystère qui ne veut pas parler. Va-t-il parler? Va-t-il dire un mot? Bonsoir. Voilà, donc il vient de nous rejoindre, mais il observe, voilà. On a démarré avec, comme je vous disais, le combo italien Heroine in Tahiti qu'on a beaucoup passé ces derniers temps, notamment lors de la spéciale Rital de l'Asile le plus sûr, c'était il y a une quinzaine de jours à peu près, hein, donc une émission entièrement autour de la scène un peu occulte, psychédélique, italienne, contemporaine. Émission que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur l'excellent blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Tenu à jour par les bons soins de mon camarade Redman. Et c'était enchaîné ce titre de cet album Sun and Violence, le dernier Heroine in Tahiti, avec le retour de Miss Johanna Karanka, la finnoise Koupou, voilà, avec 4 U, et son 45 tours Balsam, publié par le label Vova. Koupou, ex-membre d'Avarus, Anaximandros et autres Erta Lusu Assa, aux côtés de Lono Edis Laja, un projet qui existe depuis une petite dizaine d'années, avec notamment des disques chez Time Lag ou encore sur le label japonais EM Records, mais elle n'a rien publié depuis 2 ans, donc peut-être que ça annoncerait un nouvel album long apparaître prochainement. En attendant, donc, ce 45 tours est publié par le label Folk Psychédélique de monsieur Jan Andersen, le mentor du projet Kemialiset Istavat, voilà un peu donc la famille de Koupou. Et on a terminé avec le duo Billows, duo électro Sonic expérimental entre Giuseppe Yelasi et Nicolas Ratsi. L'album s'intitule Rustle. Il est sorti par le label et distributeur britannique Boomcat Edition. Il s'agit d'un 4e album en date pour ces deux-là qui sont assez actifs depuis 2007. Ils sortent à peu près un disque tous les 2 à 3 ans et comme toujours plutôt dans la recherche sonore. Et c'est surtout à base d'échantillons et de field recordings retraités pour ce nouveau disque Rustle, donc de Billows. On va continuer avec une séquence d'improvisation libre et la rencontre entre les deux britanniques, enfin l'un est vraiment britannique, il s'agit du saxophoniste John Butcher, l'autre est d'origine écossaise, Andy Moore, est basé aux Pays-Bas et membre de The X depuis une palanquée d'années. Et tous deux, donc, ils viennent de faire paraître Experiments with Leaf sur le propre label de Monsieur Moore, Unsounds. Et c'est un très très beau disque qui devrait également être publié en édition vinylique d'ici l'été. On écoute ce titre de John Butcher et Andy Moore, le titre The Totest for Ounces of Life, avec l'accent s'il vous plaît. Thank you. C'est vrai que c'est autre chose que le guitariste de Johnny Hallyday. N'est-ce pas mon camarade que j'ai en face de moi? Ce trio entre l'excellent Bill Nays, guitariste américain qu'on entend ces dernières années, notamment aux côtés de Kim Gordon, de Sonic Youth, au sein du Body / Head duo. Et donc là, il est rejoint par l'excellente violoncelliste, un peu furieuse d'ailleurs, Ho Kyung Lee, qu'on avait découvert à l'occasion d'un solo qu'elle est sortie ces dernières années sur le label idéologique Organ, la subdivision du label Imego. Et Ho Kyung Lee qui pratique beaucoup les musiques improvisées dans différents contextes, notamment celle de la noise. Et le troisième larron, c'est Chris Corsano qui n'est jamais en reste pour ce genre de déconnade. Et donc un live qui a été enregistré à l'époque au Stone, le fameux club new-yorkais dont s'occuperait soi-disant John Zorn, et où se produisent quantité de musiciens depuis une petite demi-douzaine d'années. Et c'est sorti ce disque sur l'excellent label de monsieur Bill Nays, ce live at the Stone sur sa marque Open Mouse, qui est un label qui tire à peu près à 300 exemplaires. Je crois que ce disque est d'ailleurs déjà épuisé à la source, toujours disponible auprès des distributeurs en tout cas, et notamment l'excellent distributeur Metemkin. Une session vraiment très furieuse, mais assez énergisante, on pourrait dire. Juste avant, on entendait la rencontre entre John Butcher et Andy Moore du combo Batav ZX, le disque Experiments with a Leaf. Excellente rencontre entre la guitare de Moore et le sax de John Butcher. John Butcher qui a une actualité assez débordante. Il y a aussi un disque qui est vraiment très bon en duo en compagnie du percussionniste Gino Robert, qui est sorti très récemment sur le label Alt Vinyl. Mais là, je vous propose d'enchaîner avec un disque sorti par les Britanniques John Coxon et Ashley Wells, alias Spring L. Jack, qui depuis une petite dizaine d'années produisent des choses au sein du label Trader. Et ils ont sorti quelques 2-3 disques à la fin de l'année 2014 qui commencent à arriver par chez nous. Donc là, je propose d'écouter une session de messieurs Paul Obermeyer et Richard Barret. Obermeyer qui est un compositeur qu'on a entendu notamment au sein de Bark ou encore de Levan Parker électroacoustique ensemble, et il officie au sein du duo Furt en compagnie du compositeur électroacoustique d'origine galloise Richard Barret, qui lui fait partie de la formation électroacoustique assez large Mimeo. Et donc régulièrement ils sont rejoints par différents musiciens de la scène improvisée plutôt britannique, mais pas que des britanniques, aussi des allemands, au sein du groupe Forch. Et là, je propose une session qui a été enregistrée le 20 octobre 2012 au Sporthall de Donaueschingen, donc c'est en Allemagne. Donc je vais éviter de prononcer d'ailleurs le titre de ce disque de Forch et Furt, mais c'est quelque chose comme Spukfaft Fernwirk Kung. Voilà, vous aurez évidemment le titre en intégral sur le site de l'émission asile35.blogspot.fr. Juste pour vous dire que pour cette incarnation de Forch, Paul Obermeyer et Richard Barret sont rejoints par la harpe électrifiée de Rodri Davis, donc le sax de John Butcher, la batterie de Paul Lovens et les voix d'Ute Wasserman et Phil Minton. On va calmer un peu le jeu avec cette session live de 2012 de la formation Forch. Thank you. Thank you. un bon exemple de freeform composition par messieurs Paul Obermeyer et son collègue Richard Barret, alias les Furt, qui sont rejoints par pas mal de musiciens assez emblématiques de la free music européenne de ces dernières années au sein du projet Forch. Et ce Forch versus Furt est sorti en CD sur le label de John Coxon et Ashley Wells, les Spring L Jack. Très très belle production d'ailleurs, CD en version Digipact, version Gatefold, et aussi avec un papillon incrusté ou une bestiole. En fait, il y a toujours une bestiole depuis l'origine. Il y a parfois eu des ours, des oiseaux. Voilà, c'est en relief. C'est assez sympathique pour les enfants. Et donc, ce Forch versus Furt est le disque totalement imprononçable en ce qui me concerne. Hein, Furk, Kaft, Fern, Virkung. Voilà, donc sur lequel on retrouve pas mal de gens donc assez connus, notamment des Britanniques, John Butcher, Rodri Davis, le brillantissime Paul Lovens à la batterie, la voix de l'allemande Ute Wassermann et également Phil Minton au sein de cette composition donc, qui avait été enregistrée en concert le 20 octobre 2012. Et je voulais vous signaler donc la venue de monsieur Minton la semaine prochaine à Rennes, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Il jouera au sein du trio Les Farouches Bretons. Ce sera à la MJC Brekeny mardi de la semaine prochaine, le 28 avril. Les Farouches Bretons qui sont pas du tout des Bretons, puisqu'il y a deux musiciens qui sont pas vraiment des Bretons de pure souche. Nicolas de Marchelier qui s'est installé en Basse-Bretagne ces dernières années, qui faisait partie du collectif Ishtar de Bourg-en-Bresse, et qui est un guitariste improvisateur, et je crois qu'il est aussi plasticien, et ça depuis une bonne quinzaine d'années. Et Nush Verkowska qui jouera du piano et différents objets, j'imagine, la connaissant, qui elle et a passé beaucoup d'années à Grenoble et qui est à Rennes depuis une petite dizaine d'années et produit beaucoup de choses dans les musiques improvisées. Et on aura la chance de recevoir Nicolas Demarchelier dans cette même émission et dans ses studios tout frais de Canal B, donc lundi de la semaine prochaine, en veille du concert du mardi 28 avril qui aura lieu donc à la MJC Brekeny pour 5 et 8 euros. Les Farouches Bretons qui seront également en concert, ce sera quelques semaines après dans le cadre du festival brestois. Ils sont en résidence donc à Brekeny ces jours-ci, et ils joueront donc également à Brest. Ça, je vous redonnerai la date un peu plus tard, ce sera en mai, je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas en face des yeux. Je voulais vous signaler juste une autre annonce concert. Ce sera cette semaine une soirée plutôt rock organisée par les camarades de l'association Cafuel au 1988 Live Club de Rennes, avec Fat Supper ainsi que Last Arbor et Hors Monde. Tout ça pour 6 euros ce jeudi 23 avril. Voilà donc pour les concerts, et on va se terminer avec une formation toute nouvelle. Il s'agit de Suédoises qui ont un nom totalement imprononçable, Ars Kotost Kandalen. Tout ça en un seul mot, évidemment avec des trémas un peu partout. Et l'album s'intitule Space Girls. Il est sorti sur le label Phil Kilgen, qui est le label historique de l'expérimentation sonore et de l'électroacoustique, donc du côté de Stockholm. C'est un label et organisation qui s'est créé vers 1933. Ils ont organisé des concerts électroacoustiques à partir des années 50 et commencé à produire des disques tant en poésie sonore qu'en musique concrète et électroacoustique. Ils n'ont jamais lâché le morceau, ça depuis donc à peu près, enfin un peu plus de 80 ans. Une sortie vinylique pour cette formation Astko Tansk Kandalen. Et ce disque Space Girl, donc formation exclusivement féminine, je vous le disais, deux guitares électriques, contrebasse, de l'alto électrifié et de l'électronique. Donc un quartet qui est accompagné également par des projections ou des vidéos à partir de projecteurs 8 mm pour des sessions plutôt de continuum sonore instrumental assez psychédélique et façon post-Lamont & Young. On va se quitter avec ce vinyle de face, donc on écoutera évidemment qu'une partie. Juste pour rappeler que l'émission est intégralement réécoutable à partir de son blog asile35.blogspot.fr, également sur le mixcloud.com/redman. Je vous salue bien et je vous souhaite une excellente nuit, une très belle semaine. À bientôt.